4 ans devant Israël. Les armées s'approchent sans combat. Il appelle un prophète étrange pour maudire ce que Dieu bénit déjà. Balaam part avec ses désirs, sans écouter pleinement ta voix. Et sur la route, même l'animal discerne ce que l'homme ne voit pas. Tu ouvres parfois la bouche la plus humble pour corriger l'orgueil caché. Appelle à l'homme sur ses pas, que ta volonté ne se manipule pas, et que même dans les détours, tu restes le Dieu droit.